Je me réveille la gueule enfarinée, encore bourré et toujours pas dépucelé. Hier soir, je me suis battu avec un gars que tout le monde aimait. Normal, j'aime pas les mecs parfaits. J'allume l'ordre sur un porno big tits, mes réactions fissureaux. Parce que le porno ça me fait bander que j'aime bien me branler. Et je bois parce que je suis désespéré. Et je bois parce que je suis désespéré. Je vois des mecs à la télé, des pires gangsters sénégalais. Ils avaient l'air bien s'amuser avec leur pute blanche. J'ai décidé de commencer le rap sans me dire que j'avais du pain sur la planche. Alors je me coffee shop et je suis en patron, j'en vais pas d'un, mais sur le lendemain, j'arrive devant la grosse tête, la longue queue de PDG de BESS. Alors pour patienter, je vais mendier, je vais me faire mater en scred par des clochards richement sapés. Ouais, il fait quoi la punance? Il met en audace, le boss va lui faire l'enfer. Alors je mets mon rap en alternative, disco et funk pour les natives. Et si aujourd'hui j'ai la musique bizarre, parce que dans le rap tu entrais par derrière. Si je persévère autant, parce que je suis intéressé. Non, je suis pas un poète, juste un légume pour eux. Si tu m'aimes autant, parce que je sais pas le succès. Toutes les putes de luxe veulent passer à la télé. Si je persévère autant, parce que je suis intéressé. Non, je suis pas un poète, juste un loser complexé. Si tu m'aimes autant, parce que j'ai triché et gagné. Toutes les putes de luxe veulent passer à la télé. J'ai autant de motivation dans la zik que dans le lycée. J'ai moins d'emploi du temps, boire et pisser. Si je glande, c'est parce que je suis pas intéressé. Je revêtis ma seconde peau et me voilà caissier. À tricher sur les billets encaissés. Me voilà dans le rap, c'est un immeuble plein de fric. De clics, de globes, de schnecks, de schmick. Plein de shit, de dealers et grossistes. Je viens la nuit sans déclencher les alarmes. Si je vois un gardien, je fais sa lame qui m'a pété sa rame. On est là pour faire la fête ici. La ville a grandi, le rap n'est plus dans la tessie. De toute façon, je cache de la dope dans le placard. Produis ma même maison, on éventaille les panards. Je braque le rédacteur du canard. Et je fais des featuring avec des gros connards. On m'a pris pour qui? Un lover MC. Je suis qu'un pauvre junkie. Et si dans le rap, si je suis facilement rentré, c'est parce que le shit est commercialisé. Les tasses m'aiment bien les croquer. Je persévère autant parce que je suis intéressé. Non, je suis pas un poète qui t'enlève de bourré. Si tu m'aimes autant parce que les salons veulent succès. Toutes les putes de luxe veulent passer à la télé. Si je persévère autant parce que je suis intéressé. Non, je suis pas un poète qui t'enlève de complexé. Si tu m'aimes autant parce que les triches ont gagné. Toutes les putes de luxe veulent passer à la télé. Alors allez vous faire foutre en profondeur chez moi. Sans la musique, je n'ai pas d'avenir. Je veux juste ton pour tenir, avoir des propres pays pour les concerts à venir. Je crois que y'a rien à redire. Je suis juste une crapule qui veut se faire de me bourrer. Et je change jamais de sujet avec mes textes recherchés. Les artistes enregistrent chez moi avec du matos volé. Et il y a le débat top budget. C'est comme ça, j'ai toujours buté devant quelqu'un oublié. Avec le son, je me suis même tapé un gros cul. Mais c'est con parce que j'ai été cocu. Parce qu'elle était comme moi cette salope. Elle voulait aussi se payer des potes. Aujourd'hui j'ai rien fait, par contre je me suis bien branlé. Alors ça, je me suis toujours pas touché. Et si je gueule, c'est pour plus qu'on me dise que mec trop chingue. Le pire c'est que je sais même pas rapper. Et si j'ai du succès, ben c'est parce que je vous ai bien baisé. Je persévère autant parce que je suis intéressé. Non, je suis pas un poète, juste un légume pour eux. Si tu m'aimes autant parce que je sais pas le succès. Toutes les putes de luxe veulent passer à la télé. Si je persévère autant parce que je suis intéressé. Non, je suis pas un poète, juste un loser complexé. Si tu m'aimes autant parce que j'ai triché et gagné. Toutes les putes de luxe veulent passer à la télé.